Watch a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! It's down! It's down! He did it! He did it! Absolutely did it! That's right. Here's a shot! Henderson made a wild stab toward Spell. Here's another shot! Right by the shore! Et c'est gardé. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour le rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. All the band is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The band have won. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières, bienvenue à la conduite de partie, l'émission qui vous parle de plein de sports, tout sauf le Canadien de Montréal, dans le fond, puis la Ligue nationale, puis tout ça là, comme à chaque semaine, à mes côtés comme depuis deux ans, pas loin, deuxième année, tout ça. P.L. Giroux! Yeah! Hey, comment est-ce qu'il va? Ça va très bien, ça toi? Ça va très bien. T'as-tu regardé la conférence de presse de Tiger Woods hier? Ouais, un peu. Trouves-tu ça aussi ridicule que moi? Ben, c'est un peu. Ouais, c'est un peu niaiseux, là. J'essaie juste de comprendre qui exactement s'attendait à ce que ce gars-là. OK, il a combien d'argent, là? 500, 600 millions, à peu près. On va arrondir ça aux scènes, mettons, là. On va y aller pour 600 millions. T'es un des hommes les plus puissants sur la planète, des plus connus. Puis tu t'attends à ce qu'un gars soit fidèle? Non, tu sais, je suis pour la fidélité, mais si boire, laissez-y une chance, mais attendez-vous pas à l'impossible. En plus, il est tout le temps sur la route. Ben, il y a sa vie personnelle, puis il y a le golf. Mais il est tout le temps sur la route. Faire la part, les deux. Il est comme un marin, il y a une femme dans chaque part, fait que lui, il y a une femme dans chaque part. Tu comprends? Part. Merci ouais. Beaucoup. Hey, ça dit... ce matin, Nico. Je suis un peu de sarcasme dans ta voix. Est-ce que ça se pourrait? Un petit peu. Hey, cette semaine à l'émission, on a quand même une pas pire gros show. C'était March Madness hier, t'as écouté ça? Oui. Victoire de Duke vraiment par un pointage extrêmement serré. Butler, qui était classé 5e, qui se sont extrêmement... Un gros match. Ben vraiment. Ouais, moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que Duke les domine, mais que ça se finisse par deux points sur le buzzer, que ça se décide là. Tout un match. On parle aussi des séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Bien sûr, les Tigres de Victoriaville qui ont commencé leur série contre les Remparts de Québec et ça va très bien. C'est ça, ils sont en train de la finir même. Ouais, ils sont sur le bord d'être finis, je vous dirais. 3-0, là? 3-0 dans la série, c'est en plein ça. Donc ça, on va... victoire quand même assez... facile, si on peut dire. Là. Ouais, hein, ça n'a pas été hier aussi. Pas trop grosse opposition par les Remparts de Québec. Combien c'est fini hier? 6-1. 6-1, ouais. Hein, donc, en effet, pas une très grosse opposition de la part des Remparts. Non. On va parler aussi, de nouveautés cette semaine, et ça va être moi qui vais en parler. On va parler de la Ligue américaine de hockey un peu. On a négligé la Ligue de hockey parce que, mais là, honnêtement, là, les Patriots sont finis, les sports étudiants sont finis. On va essayer de le voir comme un petit peu de choses différentes. Ouais. On va parler de boxe aussi. On va parler un peu d'autres styles de hockey. Collège de la Flèche, les Dragons vont aller à la Coupe Dodge. Et on va s'interroger en fin d'émission, notre sujet ouvert, si on peut dire, qu'est-ce que TVA Sports doit faire et diffuser pour réussir à compétitionner avec RDS qui, disons-le, ont le monopole solide au Québec. Donc, la chaîne qui s'en vient bientôt sur nos ondes, j'imagine que c'est dans les deux prochaines années que ça devrait naître, ça. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réussir à s'imposer? On va discuter de ça. Donc, allons-y avec les Bulldogs d'Hamilton. Très bonne saison pour les Bulldogs d'Hamilton cette année. Disons-le, c'est sans dire surprenant. Ils ont un bon cœur de joueurs, vraiment. Des gars que... Bon, t'as aussi Cédric Desjardins qui connaît, disons-le, une très bonne saison. Deuxième équipe d'étoiles. Brock Trotter, Piqué Subban aussi. David Desharnais aussi. Surtout, même, je devrais certainement, dire. Certainement, ouais. Qui va être-tu? Ben, tu veux parler de David Desharnais? Je pense qu'il était rendu à 88 points cette fin de semaine, ce qui était un nouveau record là, pour 78 points, la concession. Ouais, 70 points, exactement, pour la concession. Ça, pour la concession des Bulldogs, c'est un nouveau record pour eux. Donc, on voit que ça va très bien pour eux. Puis encore dernière fois, je pense qu'ils ont battu aussi pour le nombre de points là, en une année pour les Bulldogs. Ben, t'as piqué mes nouvelles, toi. Carrément. Ben, écoute, vois-tu, en fin de semaine, ils ont gagné 6-2 contre le Moose du Manitoba. Dernier atteint la marque des 78 points. Du même coup, ben, les Bulldogs ont obtenu leur 112e point de la saison, qui ont battu, donc, ils ont fracassé la marque d'équipe qui était de 110, qui datait de 2002-2003. Année après année, ça va quand même bien pour les Bulldogs. On se rappelle qu'ils avaient gagné la Coupe Calder, là, 3 ans. J'essaie de me souvenir. Quand Carey Price était monté des juniors, le Canadien n'avait pas fait des séries, donc on avait le choix. Soit qu'on montait Carey Price des juniors, soit qu'on envoyait Alak. On gardait Alak dans le fond Hamilton. Alak s'était retrouvé au championnat mondial de hockey, donc on l'avait comme coupé, dans le fond. Bref, ce qu'on a fait avec Yaroslav Halak jusqu'à temps qu'il prouve ou il force la main de l'équipe. Ouais, que, ben depuis cette année. Exactement. Que, écoute, un des meilleurs joueurs de Ligue nationale présentement du côté du Canadien. Donc, ils étaient en action pendant 3 matchs cette fin de semaine, jeudi, disons-le, pour commencer. Ils affrontaient les Marlies de Toronto à Hamilton. Le Cops Coliseum, tu sais un peu c'est quoi, ça ressemble à quoi cette arena-là? C'est quand même grand, Cops. C'est un arena qui a été bâti à Hamilton dans le but d'accueillir la Ligue nationale de hockey. Donc, on parle d'environ 17 000 places. Il fut une époque où les sièges étaient dégueulasses, étaient jaunes, tu sais, un genre de jaune foncé. Et d'autres sièges étaient rouges et d'autres sièges étaient mauves et c'était tout dépareillé un peu partout dans l'aréna, OK? Et, ouh, ça devait être chic. D'après moi, Hamilton a eu c'est comme une fin de ligne un peu. Bon, on a 17 000 sièges à passer. C'est quoi les couleurs? On a ces trois couleurs-là. Puis c'est un daltonien qui les a placés un petit peu dans l'aréna. C'est mon impression. Donc, mais là, c'est plus comme ça, là. Non, ils ont rénové ça, enfin. Donc, victoire des Bulldogs 3-2. Les buteurs pour eux, c'est White, Ryan White, c'est David Desharnais. On a parlé et J.T. Wyman dans un filet désert. Paris et Calder pour Toronto. Sont venus mettre la marque 3-2. Calder ne restait que 19 minutes 37, donc c'était fini en tant que tel. Bonne foule, 6452 personnes. Les foules à Hamilton n'ont jamais été excellentes en tant que tel. C'est sûr que c'est un grand arena, hein? Donc, est-ce que ça te donne le goût, tu sais, d'aller voir? Tu sais, puis t'as tellement de place en haut, même en bas, que ça nuit un peu à l'ambiance, mais ça va bien cette année, je trouve, à Hamilton. Ça va pas mal mieux. Il y a C'est quoi la capacité du... 7 000 à peu près. 17 000, c'est ça. Ouais, grand récolté de Québec. Oui, oui, c'est plus grand, plus moderne. Ben, le gars qui a les... Jim Bonzilli voulait déménager les Coyotes de Phoenix, c'est là qu'il voulait les emmener. Okay. L'aréna est pas... ce qu'on dit, NHL ready, il serait pas prêt à accueillir totalement la Ligue nationale. Pas de la Ligue nationale. Ouais, c'est les loges, c'est plusieurs choses, mais en tant que tel, il y a un très gros aréna à Hamilton. Il y avait les... Ah, c'était quoi l'émission? Je pense que ça s'appelait les Steelheads. Écoute, c'était un lancé-compte canadien-anglais qui avait été fait un moment donné. T'avais Don Cherry qui jouait là-dedans. Bon, puis c'était une équipe qui jouait à Hamilton. Puis t'avais eu ça qui avait été tourné là aussi, mais... est-ce qu'il va y avoir un jour de la Ligue nationale à cet endroit? Laissez-moi en douter. C'est pas assez payant en tant que tel. Parce que, prends Bonzilli, c'est ça le cas aussi qui arrive à Hamilton. Prends Bonzilli qui voulait déménager les Coyotes de Phoenix. OK, ça coûte 200 millions. Il déménage les Coyotes, c'est tout. OK, ça rapporte ça au propriétaire. Ça rapporte pas une tonne à la Ligue nationale. OK? Tandis qu'on le sait, le marché de Toronto est très, très, très est très capable d'accueillir une deuxième équipe de hockey, comme New York le fait. New York, en tant que tel, a déjà eu quasiment 3 équipes avec le New Jersey et 2 équipes de New York. On le sait qu'ils sont capables. Par contre, ce qu'on veut pas du côté de la Ligue nationale, c'est que ça soit une équipe qui soit déménagée. On veut une équipe d'expansion à Toronto. Pourquoi? Parce que ça va coûter 400 millions à peu près à acheter une concession. Là, l'aréna n'est pas bâtie, là. Ça ira pas à Hamilton, là. Ça va être dans la région, un peu comme si tu mettais une équipe de la Ligue nationale à Laval. Ouais, ben moi, je serais... je pense pas, je suis pas vraiment pour ça qu'ils remettent d'autres nouvelles équipes dans la Ligue nationale. Parce que plus qu'on en met, moins que le calibre de jeu va être bon. Donc, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de faire de l'expansion. Il y a plein de clubs dans la Ligue nationale qui réussissent pas en ce moment, qui remplissent pas leur aréna. Donc, pourquoi aller faire une expansion avec des nouveaux, une nouvelle équipe? Moi, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Puis c'est pour ça que je dis, moi aussi, ça devrait être une équipe. Où est-ce que ça va pas bien? Floride, mettons, Atlanta, ouais. Ça va pas bien. Mais c'est parce que c'est ce marché-là, je te dirais. Juste pour ce marché-là, s'ils mettent une nouvelle équipe, c'est ça que probablement que la Ligue nationale veut, parce qu'on parle de 400 millions qui va directement dans les coffres de la Ligue nationale. C'est pas rien, là. Tandis que l'autre, c'est 200 millions qui s'en va à l'ancien propriétaire de l'équipe. Donc, puis après, il faut que tu payes, bon, les déménageurs, le clan Panton, puis, tu sais, ils vont... La Ligue nationale, eux autres, ils pensent pas que les Coyotes sont en... Les propriétaires des Coyotes sont en train de perdre l'argent. Oh non, mais ça, c'est... Ben là, c'est la Ligue nationale, je pense, qui est propriétaire des Coyotes, ouais, là, de toute façon. C'est... Ah ouais, on pige des poches, puis on pige des poches, parce qu'il n'y a pas d'argent qui se fait là. Dommage, parce que les Coyotes ont une excellente année, là. Ouais, ça va bien pour eux. Ça va très bien. Tu sais, tandis que si on voulait déménager les Thrashers à Québec... Mettons, Québec aura enfin une nouvelle aréna, ce qui est loin d'être fait. Là, on voudrait, parce que il n'y a pas personne qui va payer 400 millions pour acheter une équipe d'expansion puis la mettre à Québec. Tu comprends? Tandis que Toronto, c'est pas le même marché. Ouais. Donc, on s'est égaré, mais on continue. Le samedi, bon, ben, les Bulldogs étaient en action contre les Americans de Rochester. C'est une victoire de 4-3 des Americans. Les buts, c'est Graham Mink, Brian en première période pour Rochester. Du côté de Hamilton en deuxième, c'est Danny Massé. Danny Massé, tu te rappelles-tu, il a joué où, lui? Oui, il a joué pour les remparts. Il a joué pour les remparts, ouais, OK. Remparts. Le nom me disait de quoi, mais j'arrivais pas à trouver exactement dans le fin fond de ma mémoire. Jamie Johnson continue à marque pour mettre la marque 3-1, devrais-je dire. Avec 5 buts en deuxième période. Dernier encore lui, son 26e de la saison, White Subin. Et Brock Trotter qui vient faire son 35e but de la saison. Une aide à Max Pacioretty. Justement, Pacioretty, comment ça va avec les Bulldogs? 11 points en 18 matchs. Bon, il domine pas, mais je pense que ça va y faire du bien. Il a besoin de jouer, ce kid-là. Les étoiles de la partie, c'est Michael Rippick, c'est Brock Trotter, la deuxième, et Desharnais, la troisième. Encore une fois, 5561 personnes au Cops Coliseum, donc une bonne foule. Et finalement, dimanche, les Bulldogs sont en action contre le Moose du Manitoba. On avait parlé un peu, bon, il y a des records qui sont faits dans ce match-là, on en a parlé tantôt. Moose Manitoba, c'est un peu pareil à Winnipeg, il rentre 15 000 personnes dans l'aréna. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on met des toiles en haut sur le deuxième étage. Le deuxième étage n'est pas ouvert. Ben non, c'est ça qu'il faut. Ben c'est ça, c'est que ça crée un besoin en tant que tel, parce que tu fais, hey, peut-être qu'il n'y aura pas de billets, il y a juste 8 000 billets disponibles, tu comprends? Tu sais, on met ça pour vraiment créer une demande, un peu comme à Montréal, les Alouettes. Tu sais, mets les Alouettes dans le stade olympique, bon, ben, il n'y a pas vraiment de demande, parce que tu sais que tu vas te pointer là, puis il va en avoir des billets, tu sais. T'as pas à te poser la question. Donc, contrairement à Percival Molson, que, ah, ben, gars, je suis peut-être mieux de réserver mes billets avant le début de la saison, puis me réserver ce vendredi-là, annuler ma ligue de bowling pour, justement, aller aux Alouettes. Donc, la ligue de pétanque. La ligue de pétanque. C'est le pétanque le vendredi. C'est le pétanque le vendredi. Full contact? Full contact. Full contact. Donc, les buts pour Hamilton, c'est Conboy, c'est suivi de Trotter. Maxwell est venu, pas Ben Maxwell, par contre, pour Manitoba. Donc, c'est Tom Maxwell qui est venu faire la marque 2-1. Desharnais, encore lui, son 27e. Weber, Yannick Weber, son 6e. Hunter Bishop. Hunter Bishop vient d'être signé par le Canadien. C'était son 6e match pour Hamilton. Il sort des colleges américains, de NCAA. Donc, c'est un gars de l'Alaska, Fairbanks, Alaska. Donc, la même région que notre Mexicain alaskien de préféré, Scott Gomez. Yeah. Donc, tu savais ça? Ben oui. Tu le savais, je dois l'avoir dit en niaisant une couple de fois. En troisième période, c'est Guillaume Desbiens de Manitoba. Guillaume Desbiens, ça a joué où, ça? Sors-moi ça. Guillaume Desbiens qui fait son 19e. Et finalement, Yannick Weber qui fait son 7e, 2e du match. Yannick Weber. Inada Trotter. Les étoiles dans la partie, c'est David Desharnais, c'est Brock Trotter et Yannick Weber. Vois-tu 2700 personnes au match? Fouille-moi. Je ne sais pas pourquoi ça fait de la vague comme ça au niveau des assistances. Dimanche, avais-tu de quoi dimanche? Ah, c'était Pâques. Voilà. C'était Pâques. Ben oui, c'était Pâques. Donc, c'est beau aussi. Jésus est ressuscité. Les Bulldogs n'ont pas eu des bonnes foules. Ça vient ensemble. C'est... Et voilà. C'est, si Marie-Madeleine n'est pas là pour attirer, il n'y a pas de fun, hein? Ouais. Ouais. Hey, moi, j'ai une question pour toi, Vas-y. Nicolas. Est-ce que tu penses qu'avec la saison de rêve que les Bulldogs d'Hamilton ont cette année, est-ce que tu penses que ça va attirer un poste à Guy Boucher dans la Ligue nationale de hockey? Pas pour l'instant, parce que je pense pas qu'il y a d'opportunités qui s'offrent à lui. Ben, comme par exemple, assistant. Avec le Canadien? Ouais, exemple. Je ne sais pas. Je pense qu'ils vont travailler un peu dans la Ligue américaine. Éventuellement, par contre, parce que ce qui arrive avec Guy Boucher, c'est qu'il y a des tactiques très propres à lui au niveau de son power play. On se souvient de Drummondville l'an passé, c'était très bon au niveau de son jeu de puissance. c'est d'arriver à Montréal puis de vouloir jouer ça quand t'as Jacques Martin avant toi. Puis de toute façon, les assistants sont signés. Donc moi, j'ai l'impression que Guy Boucher est là pour encore vraiment 2 ans en bas, OK? Il va monter probablement. Il y a des fortes chances qu'éventuellement il monte. Ça serait juste normal avec la type de saison qu'il y a eu. Donc, ouais, c'est ça. On va regarder ça. Oui, mais en effet, c'est un entraîneur avec beaucoup de potentiel. Ou d'autres reçus aussi, pas nécessairement chez le Canadien de Montréal. Ça pourrait lui assurer un boulot dans une autre équipe comme à Atlanta, par exemple. Ou, Non, ben il est sous contrat avec le Canadien. Donc, ça se donne pas un coach en tant que tel. Ça se donne pas. Non, tu échanges un coach. Je me souviens pas qui avait été changé. Canadien avait été chercher Carbonneau, je pense. Quand ils ont été chercher Carbonneau. Allez, là, je veux pas me tromper. Non, c'est pas Carbonneau. En tout cas, j'ai un blanc, mais il avait dû l'échanger contre. Puis, ils ont été. Parce que Canadien était meilleur d'entraîneur dernièrement. Son C. Ouais. Il avait échangé contre un 5e choix ou un 4e choix en tant que tel. Là, donc, ça, c'est sous contrat. Puis, je pense pas que le Canadien veut le laisser aller en tant que tel. Non, donc, ça, c'est certain. Mais ça va bien pour lui. Au niveau du classement, bon, ben, dans la division Nord, les Bulldogs sont premiers facilement, 112 points, suivi des Americans de Rochester avec 89 points et le Heat d'Abbotsford. Avec 85 points. Ça, le Heat d'Abbotsford. T'as-tu vu le coach qui a pété une coche la semaine passée, déchiré sa chemise, non, envoyé son veston, pété deux. Jim Playfair, pour le nommer, okay. Pété deux bâtons. Bon, ben, il est l'entraîneur du Heat d'Abbotsford qui, nouvelle concession, c'est en Colombie-Britannique à Abbotsford. Donc, un petit peu à main rocheuse et ça. La meilleure équipe de la ligue reste les Bears de Hershey avec 121 points en 76 matchs. Reste pas beaucoup de parties à faire au calendrier des Bulldogs. Vois-tu, puis les meilleurs compteurs, c'est pour les Bulldogs, c'est Darnay et Brock Trotter avec 78 et 77 points. Par contre, Darnay a juste joué 58 matchs, contrairement à tout le monde alentour qui en a joué à peu près 70. Donc c'est ça, il reste 3 matchs à la saison des Bulldogs en tant que tel. Donc, ça va se finir très rapidement. Les séries commencent très vite. Vois-tu, Cédric Desjardins, on en parlait, a été nommé dans la 2e équipe d'étoiles de la Ligue. De son côté, le gardien par excellence, c'est Jonathan Bernier des Kings de Los Angeles qui a gagné le trophée Adej Baz-Bastien. Donc, c'est le vote des entraîneurs et des membres des médias des 29 villes de la Ligue américaine de hockey. Donc, vois-tu, lui, il a été le bon premier choix. Il a cumulé un dossier de 30 victoires, 20 défaites, 6 matchs nuls en 57 départs, pourcentage d'arrêt de 9,37 et 9 blanchissages, en plus d'une moyenne de buts alloués de 2,03. Donc, c'est excellent pour lui. Je ne sais pas ce que les Kings vont faire avec Bernier, vu que... ils ont quand même Jonathan Quick qui va très, très bien ces temps-ci. Donc, ça va rester à voir. Sinon, il va falloir qu'il l'échange parce que ce gars-là est prêt pour la Ligue nationale. Ça sera pas très long. On s'en va en musique. On va aller écouter un peu de band de garage. La chanson s'appelle Construction. Vous écoutez la conduite de partie sur les ondes de C'est fou! We'll be right back. voulez bien me dire ce que vous faites là? Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Ben de garage, la chanson Construction. Vous écoutez l'inconduite de partie pour sur C'est fou. Pour nous joindre en studio, j'ai mélangé mes deux phrases. Pour nous joindre en studio, c'est le live à commercial inconduitedepartie.com. Si vous voulez nous envoyer vos commentaires, vos opinions, des pubs de Enlarge Your Penis, Pierre-Luc va toutes les prendre. Bonne idée. Je blague, bonne idée. non, c'est ça. Puis si vous voulez lire notre blog, c'est le www.inconduitedepartie.com. J'ai mis un petit texte là-dessus cette semaine sur ce qui s'est passé un peu la semaine dernière aux Canadiens quand que les gens ont eu Carey Price, malgré le fait qu'il avait juste accordé deux buts dans la partie. Donc, c'est comprenable, par exemple. Non, c'est pas comprenable par tout. Arrête. Ben, hey, il a accordé deux buts. Là, que... Mais c'est comprenable par les partisans du Canadien de Montréal. OK. C'est ça que je voulais mieux m'expliquer. OK. T'es-tu en train de traiter à peu près 80% de la population québécoise de paix? Ouais, peut-être, ouais. Mais j'ai aucun problème avec ça, je vous dirais. Je l'assume. Ouais, je t'ai déjà vu aller avec les partisans des cataractes de Shawinigan, toi aussi. C'est d'autres choses. Puis Alex cherchait le trouble, Hey, parlant des cataractes de Shawinigan, on va parler de hockey junior, hein, puis Alex. Ben, bien sûr. Il me regarde, puis il m'envoie chier. Donc. OK, donc on parle d'hockey junior majeur. Qu'est-ce que tu as dit? Donc, l'Éthique de Victoriaville qui commençait leur série face aux Remparts de Québec, ça débutait vendredi soir au Colisée Pepsi de Québec. Premier match, on met Louis Domingue dans les buts pour les Remparts et Kevin Poulin, bien sûr, du côté des Tigres. Ça a été un excellent match. Tout d'abord, les Tigres ont pris les devants en première période 1-0 sur un but de Travis McKissack. Et ensuite de ça, les Remparts sont venus niveler la marque. C'est Marc-Olivier Valran, assisté de Mikhaïl Stefanovic et Jonathan Audi-Marchessault. Donc, c'était 1-1 après une période, mais en deuxième période et en fait, première période, il y a un but qui a été refusé aux Remparts de Québec. Okay. Et ça a été un but un petit peu controversé, je vous dirais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'explique. Dans le fond, il y a eu un but, tout simplement. Je pense que c'est Ryan Bourque qui a marqué le but. Sauf que 4 secondes avant, il y a eu une passe avec la main. Aucun des 4 officiels siffle. Okay. On attend. Le jeu continue. Il y a but. Et après ça, on décerne, dans le fond, on refuse le but pour passer avec la main 4 secondes plus tôt. Okay, mais pourquoi qu'ils n'ont pas sifflé tout de suite? Mais est-ce que il y avait un autre joueur des Remparts qui a touché à la rondelle avant que Bourque touche? Non. Ben, c'est ça le règlement. Le règlement, c'est si ben tu... Ben oui, dans le fond, c'est Bourque quand il a tiré. Quand Bourque a tiré, a été le premier joueur à toucher à la rondelle. Donc... logiquement, le règlement, c'est quand j'y touche avec ma main, si elle finit sur la palette d'un joueur de l'équipe adverse, le jeu se continue. Donc, Bourque, en étant le premier à toucher la rondelle, automatiquement, c'est là que l'arrêt de jeu se fait. Si, ouais, ben, je te dirais que Patrick Roy est en furie, puis ça ne doit pas être pour rien. Il est en furie, mais je pense qu'il connaît très bien les règlements de la Ligue. Moi aussi. ouais, je sais, mais je dirais, j'ai pas vu exactement la séquence, exactement qu'est-ce qui s'est passé. Je l'ai pas vu sur vidéo. Okay. J'en ai entendu beaucoup parler. J'en ai lu aussi dans le journal. Mais Patrick Roy, il a dit qu'il avait jamais vu un but fusé comme celui-là depuis celui des Nordiques de Québec en 1995. Donc, en 95? Contre les Rangers, c'est en 95. Ah, le but de... Ouais, c'était Sakic, je pense, qui avait compté Kovalev qui avait fait le bacon à terre. En 1995. OK. Mais moi, ce que... La façon que tu me l'expliques... Ouais, ben c'est sûr L'appel est bon. Probablement que Roy avait pas vu la passe avec la main en tant que telle ou quelque chose comme ça. Ben, c'est plus le fait que, normalement, quand tu... Il siffle là, pas après l'arrêt du jeu. Ben, il n'y a pas le choix. En tant que tel, si au moment où Bourque décoche son tir, l'arbitre vient pour mettre son sifflet dans sa bouche, puis elle rentre à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a une seconde de différence entre les deux moments. Écoute, je sais que t'aimes pas les remparts. Non, j'ai absolument rien contre les remparts, vraiment pas. Mais c'est un but très controversé, je te dirais. Puis un but refusé, très controversé. Puis à ce moment-là, c'était 1-1. Les remparts avaient le momentum. Ça aurait été 2-1 pour les remparts. Je vous dirais que ça leur virait de bord un peu. Puis Patrick Roy était en furie. Comme je vous dis, Patrick Roy... Il en revenait pas, tout simplement. Il avait pas vu un but depuis les Nordiques de Québec. Ben, j'avoue que c'est la première fois que j'entends un but refusé pour cette raison-là. Ben, puis surtout que dans le match hier, il y a eu une passe avec la main qui a pas été décernée. Oh, pas de vrai. Donc, tu vois comment des fois l'arbitrage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec... Ah, ils sont humains, ils sont humains. Ouais, ils sont humains. C'est sûr que les arbitres, c'est pas facile de faire leur boulot. Non. On sait, mais bon... je te dirais que quand ça vient jouer dans vraiment le résultat du match, là, ça c'est un petit peu plus difficile. Je pense que les partisans de Québec l'ont pris très difficilement cette première défaite. Puis bref. On va continuer. Ouais, vas-y. Deuxième période, l'Éthique de Victoriaville. Donc, c'était toujours 1-1. L'Éthique de Victoriaville qui reprennent l'avantage avec un but de Philippe Maillet, assisté de Olivier Janard et Joël Chouinard. Et ensuite de ça, la débandade continue. Guillaume Goulet vient racheter un troisième but. Et Kubalik vient terminer ça en... Clouer le cercueil des remparts de Québec. Ça se termine 4-1. Aucun but en troisième période. Donc, c'est de cette façon que ça se termine. 4-1 pour l'Éthique de Victoriaville. Kevin Poulin a été la première étoile du match. 22 arrêts dans ce match. Il a fait des très, très bons arrêts. Je vous dirais que c'est lui qui a gardé beaucoup, encore une fois, l'Éthique dans le match. Jonathan Dimarchessault, la deuxième étoile. Je pense que ça a été lui le meilleur élément des remparts sur la glace. Quel âge Jonathan Dimarchessault? Je sais pas, faudra vérifier. Okay, 19, okay. Peut-être 18. T'as 19 ans, ok. L'an prochain, c'est quand même 20 ans, probablement. Ouais, probablement. Okay. Tu pourras aller vérifier ça pendant que je continue. Et Guillaume Goulet a été la troisième étoile du match. Donc, lui qui a été l'auteur du troisième but. On se transporte maintenant samedi, toujours au Colisée Pepsi de Québec pour le deuxième match de la série. Ça se continue de la même façon. L'Éthique de Victoriaville qui prennent les devants 1-0. Encore une fois, un but de Guillaume Goulet. En deuxième période, les remparts de Québec qui viennent niveler la marque, c'est 1-1, alors que Marc-Olivier Valran vient de jouer Kevin Poulin. Mikhaïl Stefanovic et Jonathan Dimarchessault sont les complices pour le but. Ben écoute, parlant de Jonathan Dimarchessault, c'est un 1990, donc c'est un 19 ans. L'an prochain, il sera un 20 ans en tant que tel. Selon ce que je suis capable de compter. Selon Statistique Canada. Selon Statistique Canada et selon Météo Canada aussi. D'accord. Donc, c'était 1-1 après, en deuxième période. Et voilà, l'Éthique de Victoriaville qui reprennent encore une fois les devants. C'est Philippe Maillet et Yannick Gourde qui viennent porter la marque à 3-1 pour l'Éthique de Victoriaville. Donc, après deux périodes, 3-1 Tigre. En troisième période, les remparts qui viennent réduire l'écart à un seul but, alors que Marc-Olivier Valran, encore lui, vient de jouer Kevin Poulin. Encore une fois, Jonathan Dimarchessault est complice du but. Donc, c'était 3-2. Et finalement, encore une fois, l'Éthique qui viennent clouer le cercueil. 4-2. Joël Champagne, qui vient marquer un but dans un filet désert. Encore une fois, Kevin Poulin, 29 arrêts dans ce match. Les remparts qui ont eu 33 lancés dans ce match contre 28 pour l'Éthique. Et c'est finalement l'Éthique qui l'emporte. Je te dirais que Kevin Poulin a une grande part de responsabilité dans les succès que connaissent l'Éthique pendant les séries éliminatoires en ce moment. On s'y attendait aussi. C'est fait attaquer un peu Poulin par Éric Veilleux pendant la série contre Shawinigan, mais il se laisse pas rentrer dans la tête facilement, ce gars-là, à le voir aller contre les remparts, tu sais, qui veut pas vienne avec un... Ben, il connaît quand même un gardien vétéran de 20 ans aussi, il a l'expérience. C'est ça, ouais, en effet. Puis tu sais, quand les remparts arrivent, t'as comme un aura alentour des remparts au niveau de... Je peux dire, tu sais, de la popularité puis de l'espace médiatique que ça l'occupe dans... Ouais, c'est sûr. Tu sais, veux pas regarder les résultats du match étaient à RDS ce matin. J'ai regardé Sport 30 d'hier, les images puis tout. Ouais. Bon, ils ont fait l'effort d'aller chercher, tandis que dans la série Victo contre Shawinigan, il y en avait pas mal moins d'images, on s'entend là-dessus. Ouais, donc, c'est ça. Ben, c'est parce qu'il y avait un seul match aussi dans la Ligue. Là. Ah, t'as un point valide là-dessus. Ouais, il y avait un seul match, fait que c'est sûr que ça a été plus... plus facile d'y assister. En effet. Donc c'était 2-0 dans la série pour l'Éthique de Victoriaville. On se transporte maintenant du côté de Victoriaville. Les remparts qui doivent réussir l'impossible pour retourner au Colisée Pepsi, je vous dirais. Et finalement, troisième match, ça a été encore plus difficile pour eux. Du côté du Colisée Desjardins de Victoriaville, les Tigres de Victoriaville qui prennent les devants 1-0 en première période. C'est Joël Champagne qui compte un but en avantage numérique, assisté de Samuel Groux, un ancien des Remparts d'ailleurs, et Travis McIsaac. Et ensuite de ça, en deuxième période, les Tigres de Victoriaville qui rajoutent 3 autres buts, 4-0 pour les Tigres. Philippe Maillet et Philippe-Michael DeVos qui enfilent son premier et deuxième de la partie. Donc 4-0 pour les Tigres de Victoriaville après deux périodes. Déjà, les Remparts, on voit qu'ils ont un peu abandonné, je vous dirais. Deux autres buts en troisième période pour faire 6-0 pour les Tigres. Encore une fois, Philippe-Michael DeVos qui enfile son troisième but de la partie. Donc, tour du chapeau pour Monsieur DeVos. Pour DeVos. Ça oui, va ça va très, très bien. Bien pour DeVos, là. Et Philippe Maillet qui vient en rajouter un. Donc, 6-0 pour les Tigres. C'est là qu'on voit que les Remparts ne sont plus du tout de la partie. Mais juste pour venir gâcher la fête, Michael Tam qui vient briser le blanchissage de Kevin Poulin pour porter la marque à 6-1. Mais si on regarde quand même dans les tirs, 31-29 pour les Tigres de Victoriaville, ça peut être une grosse domination par les Tigres sur la patinoire. Je pense que c'est dans les buts que ça se fait. Louis Domingue, seulement 17 ans, Kevin Poulin, 20 ans. Et on voit que la différence est là. Puis les Remparts ont été vendeurs pendant la période des transactions. Puis je pense que ça commence à paraître là, dans cette série. C'est normal aussi. C'est normal. Je pense que je m'attendais pas à ce que... Ben, c'est pas fini, là. Je sais pas si toi, ce que t'en penses, c'est fini ou pas. Moi, je pense que les Remparts. Peux-tu finir? Moi, maman vont sortir fort mercredi soir. Moi, je m'attends à ce que les Remparts sortent fort mercredi soir. Parce que Patrick Roy va les craquer, va leur dire regarde, les Remparts de Québec, à Québec, on remplit 10 000 spectateurs par match. Je pense qu'on a le droit de leur donner peut-être un dernier match à domicile, puis revenir pour le cinquième match à Québec. Puis je pense que ça va être déjà... OK, toi, tu parles pas juste pour le portefeuille de Patrick. Ouais, je parle pour le portefeuille de l'organisation aussi, parce que c'est sûr que c'est de l'argent qui rentre. Je pense pas qu'ils ont à se plaindre de toute façon au niveau non, de la finance. Non, ça c'est certain. Mais je pense que c'est juste pour nos partisans qui, à tous les matchs, sont 10 000 spectateurs par match. On devrait peut-être leur donner un petit dernier match là, à domicile, puis pas finir ça de cette façon. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Ouais. Puis je pense que les Remparts vont jouer avec l'énergie du désespoir. Puis des fois, c'est dans ce temps-là que ça va bien. Hein? Exactement. Hey, j'ai une question pour toi. Oui? Philippe-Michael DeVos, bon, c'est un 90, c'est un joueur de 19 ans. Pas repêché avec le National. Penses-tu qu'avec la saison qu'il y a eu cette année, on parle de 93 points en 68 matchs, en série à date 14 points en 9 matchs, penses-tu qu'il y a des chances avec le National? Il mesure 5 pieds 11. Tu sais, c'est pas un gros, mais il est pas moi, je pense petit que plus. Oui. Personnellement, je pense que oui, DeVos est un excellent joueur, puis c'est certain que, bon, on sait qu'il y a une grosse différence entre la Ligue de hockey junior majeur du Québec puis la Ligue nationale de hockey. La Ligue américaine. Ouais, même Ligue américaine. Mais je pense que DeVos devrait être quand même de percer, peut-être dans la Ligue américaine, peut-être pas dans la Ligue nationale, mais je pense que ça devrait être un joueur qui devrait être capable. Donc, on devrait entendre son nom appelé cet été. Probablement. Si on regarde du côté des avantages numériques, les Tigres de Victoriaville qui ont quand même profité de 3 avantages numériques sur 8 occasions. Donc, encore une fois, on voit que l'attaque à 5 des Tigres de Victoriaville est impitoyable. Très difficile là, de jouer contre les Tigres de Victoriaville. Et même en désavantage numérique, les Tigres qui donnent aucun espace. C'est vraiment difficile pour les joueurs des Remparts d'avoir des bonnes chances de marquer, même en avantage numérique. Donc, c'est un club qui est très fatigant à jouer contre eux. Puis, je pense que les Remparts le ressentent en ce moment. C'est pas facile jouer contre les Tigres de Victoriaville. Ça, c'est certain. Petite dernière chose aussi que je voulais rajouter, je crois que c'est Joël Chouinard ou DeVos, un des deux joueurs va aller jouer pour les Remparts de Québec l'an prochain. Ouais, c'est DeVos. C'est DeVos ouais. Ou Chouinard, tout dépendant qui ne revient pas, etc. Ah, okay, là, okay. Parce que s'il y en a qui signent avec les pros, avec les pros, ben c'est là que ça va changer. Donc c'est ça. Donc l'an prochain, là, les Remparts de Québec vont être beaucoup plus forts. Puis on vise pour l'an prochain. Pour on parlait justement, on disait que DeVos, bon ben pourquoi il y a plus de chances que ce soit DeVos, c'est que Champagne est déjà repêché en tant que tel. C'est ça. Je sais plus par qui, par contre, là. Mais donc c'est ça. Tandis que DeVos, logiquement, l'est pas pour l'instant. Va peut-être l'être cet été, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de chance. Vois-tu, choix de cinquième ronde, Toronto, Joël Champagne. Donc, puis il est quand même très gros, là, 6 pieds 4, ouais. 2, 14 livres. Fait que si Champagne ne revient pas, ça va être DeVos. Philippe-Michael DeVos. Ouais, ben moi, je te dirais que j'aimerais bien que ce soit Philippe-Michael DeVos, là, un excellent. Un leader, en plus. Ouais, un excellent patineur aussi. Donc, 3-0 dans la série pour l'éthique de Victoriaville. Ça va se transporter mercredi au Colisée des Jardins. Tous les autres matchs de la Ligue de Junior Major du Québec jouent leur troisième match ce soir. Le Colisée des Jardins qui n'était pas disponible ce soir pour. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont joué hier. Donc, mercredi, les hommes de Patrick Roy qui feront face à l'élimination en espérant que ça se termine pas là-dessus pour les petits remparts. Pour les petits remparts. On va parler des autres séries après la pause. Bien sûr. Vous écoutez la conduite de partie sur C'est fou. C'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou comme. C'est fou, c'est comme ça. Ça fait rire végétarien. Bonjour, c'est Pierre-Alexandre Mandal, vous écoutez Inconduite de partie sur C'est fou. Against Me avec la toune Rapid Decompression. Ça vient de leur nouvel album qui va s'appeler White Crosses. Ça sort début juillet, donc j'ai très hâte d'entendre ça. J'avais adoré leur... J'adore Against Me en partant, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. On continue avec le hockey junior majeur, Pierre-Luc? Oui, on continue du côté maintenant des Voltigeurs de Drummondville qui affrontent l'Océanique de Rimouski dans cette série quart de finale. Donc, ça débutait vendredi au centre Marcel Dionne. Et en première période, les Voltigeurs de Drummondville qui prennent les devants 1-0. C'est Chris DiDomenico qui marque ce but, assisté de Gabriel Dumont. Ensuite de ça, l'Océanique de Rimouski qui nivelle la marque 1-1 sur un but de Jacob Kulek, assisté de Stéphane Fournier et de Peter Straka. Ensuite, les Voltigeurs de Drummondville qui reprennent les devants 2-1. C'est Marc-Antoine Desnoyers qui effectue un but en désavantage numérique pour porter la marque 2-1 Voltigeurs. Mais l'Océanique qui enfile deux buts d'affilée. Surprenant, là, l'Océanique. Très, très surprenant. Ils ont du mordant. Ouais. Ryan Cavana et Peter Straka, donc, qui portent la marque à 3-2 Océanique. Je pense que c'est la première fois depuis des séries éliminatoires que les Voltigeurs de Drummondville ont tiré de l'arrière. Deuxième période. Ils ont joué contre Lewiston, par contre. Laissons-leur. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'on est rendu à 24 victoires de suite pour eux, exactement. Il y en avait 16 avant d'entrer en série. Ouais, c'est ça, ils sont rendus à 20. Donc, 20. Plus que ça. Oui, 20. T'as raison. À partir de ce match-là. Avant celle-là, ouais, c'est 20. Ça. Donc, Voltigeurs de Drummondville, ensuite de ça, vient de niveler la marque. C'est Gabriel Dumont qui marque le troisième but des Voltigeurs. C'est 3-3. Troisième période, début de troisième, l'Océanique, qui reprennent les devants 4-3. C'est Alexandre Mallette qui effectue un but sur un lancer de pénalité. Donc, quand même assez rare qu'on voit ça en ce moment dans les séries éliminatoires. Je pense que c'était le deuxième depuis le début des séries. Okay. Donc, Alexandre Mallette qui réussit le but. Donc, 4-3 Océanique. Ensuite de ça, alors qu'il restait quelques minutes au match, Sean Couturier effectue un but incroyable. Moi, dans ma région, ben ici j'imagine à Trois-Rivières, mais nous, à Saint-Hyacinthe, avec TV Cogeco, on avait la chance de pouvoir regarder le match. Le but de Couturier, 17 ans, le kid, là, il va sortir très haut l'an prochain, du talent comme ça. Il t'a feinté le gardien, il l'a déculotté. Vraiment, les culottes t'es rendu troisième rangée dans les estrades. Ah ouais. But des airs pis tout ça, donc félicitations à Sean Couturier. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est génial pour Drummondville qui, quand on dit qu'il n'y a pas très longtemps, était une franchise qui avait beaucoup de problèmes et qui s'en allait vers le trou. C'est très différent. Ouais. Donc, c'était 4-4. Alors, en fin de troisième période, on s'en va en prolongation. Et ça n'a pas été trop long. Que les Voltigeurs l'ont finalement emporté. C'est encore une fois Sean Couturier qui est venu compter le cinquième but. Donc, lui, il a le but gagnant. Et il a le but égalisateur. Et oui. Donc, Sean Couturier, la grande vedette du match avec deux buts. C'était moins beau, par contre, en prolongation. Ouais. Un garbage. Un petit peu plus... Un garbage, mais c'est ça que ça prend. C'est justement, c'est de même, ça se compte. Mmh. Donc, victoire de 5-4 des Voltigeurs de Drummondville qui prennent les devants 1-0 dans la série. Le lendemain, on se transporte encore une fois... On est toujours au centre Marcel Dionne. Cette fois-ci, en première période, Gabriel Dumont donne les devants aux Voltigeurs pour faire 1-0. Deuxième période, Marc-Olivier Vachon qui double la marque à 2-0 pour les Voltigeurs, assisté de Marc-Antoine Desnoyers et Alexandre Comtois. Et Gabriel Dumont qui vient en rajouter en troisième période pour faire 3-0. Assisté toujours de Chris DiDomenico. Donc, un but par période pour les Voltigeurs. Ça se termine de cette façon. 3-0 pour les Voltigeurs de Drummondville. Mais écoute le nombre de tirs, Nicolas. 50-16 pour les Voltigeurs de Drummondville. Donc, Philippe Tremblay, qui était d'office pour ce match, alors que c'était Mathieu Dopud qui avait gardé les buts lors du premier match. On a fait confiance à Philippe Tremblay durant le deuxième match. 47 arrêts, le jeune. Donc, très, très bon match pour lui. On a sorti de Dopud, tout simplement? OK. On a décidé d'y aller avec le deuxième gardien, Philippe Tremblay. Et il a très, très bien fait. Donc, ça serait pas surprenant de voir Philippe Tremblay là, devant les buts ce soir du côté de Rimouski. Live from Rimouski. Ouais. Donc, Marc-Antoine Desnoyers qui a été la grande vedette du match à l'aide de Gabriel Dumont. Donc, Desnoyers, 2 passes. Gabriel Dumont, 2 buts. Et Tremblay, bien sûr, a été la 3e étoile du match avec 47 arrêts. Donc, Voltigeurs de Drummondville avec cette victoire. 22e de suite. Ouais, c'est ça, 22e de suite. Et du même coup, qui double la série. Donc, 2-0, Voltigeurs dans la série. Ça se transporte ce soir du côté du Colisée de Rimouski en espérant que les Océaniques sortent fort. Mais je vous dirais que les Voltigeurs sont une coche, là, puis peut-être plus qu'une, 2-3 coches là, de l'Océanique. Si l'Océanique ont bien sorti durant le premier match, ça ne veut pas dire que ça va être comme ça tous les matchs parce qu'ils affrontent une grosse machine d'hockey. Ça se termine rapidement ce soir. Tu sais, mettons une bonne victoire de Drummond. J'ai l'impression qu'on va se finir en 4, ça aussi. Ouais. Drummond n'aura pas joué beaucoup de matchs. Ils vont être très reposés, contrairement à l'an dernier où tout le monde était défaite. C'est ça. Ça pourrait s'avérer être une équipe très dangereuse pour le reste des séries. C'est certain parce que pour l'instant, ça s'annonce pour eux qu'ils vont avoir joué... le nombre minimum de matchs pour aller à la demi-finale, ouais. C'est-à-dire 8. Donc, pour eux, c'est pas fatigant du tout quand tu connais des équipes comme Gatineau et Rouyn-Noranda et Moncton, je veux dire. Non, Gatineau, ouais, Gatineau et... Ouais, c'est ça. Ouais, Gatineau et Rimouski. Rimouski, oui, c'est ça. Donc, ils ont joué 7 matchs. Ouais, donc, ils ont quand même terminé leur série mardi, qui ont recommencé leur deuxième vendredi. Ça donne pas beaucoup de temps là pour se reposer. Donc, c'est ça. Exactement. Dans les autres séries? On continue du côté de Saint-Jean. Ça, c'est une série qui... on voit là les Olympiques de Gatineau qui sont très fatigués par cette première série qui a été très difficile contre le Géant de Montréal. Deuxième prolongation. Deuxième prolongation. Septième match. C'est ça. Donc, ça a été très éprouvant pour eux là durant cette première série. Et je pense que ça l'a paru là, contre les Sea Dogs de Saint-Jean vendredi. Ils ont perdu 7-4 devant les Sea Dogs de Saint-Jean. Donc, Stanislav Galiev, 2 buts, 3 passes dans la victoire. 5 points pour Monsieur Galiev. Donc, ça va très bien pour lui. Et Michael Kirkpatrick, 2 buts, 1 passe. Donc, et c'était Maxime Clermont, bien sûr, qui était d'office pour les Olympiques de Gatineau. On l'a pas remplacé malgré ces 7 buts-là. Et c'est Marco Cousineau, bien sûr, pour les Sea Dogs de Saint-Jean qui était devant les buts. Dans le deuxième match samedi, ça a été encore une fois victoire facile des Sea Dogs de Saint-Jean. Cette fois, c'est par la marque de 7-2. Mike Hoffman a été la grande vedette du match, 1 but, 2 passes. Et je vous dirais qu'en troisième période, lorsque le match était terminé, il y a eu du brasse camarade. Là, je vous dirais beaucoup de pénalités décernées. Il y a eu du Taper sa marboulette, c'est un peu, ok. Taper sa marboulette, c'est bon. On cherchait le trouble. Fait que, est-ce que ça veut dire que dans les prochains matchs, ça va brasser entre les deux équipes? On sait pas, ouais. Mais je sais que ça s'est terminé un peu de cette façon. Donc, 2-0 dans la série pour les Sea Dogs et ça se transporte ce soir du côté de Gatineau. Maintenant, Wildcats et Huskies de Rouyn-Noranda. Les Wildcats de Moncton qui l'ont emporté facilement dans le premier match, 6-1 contre les Huskies de Rouyn-Noranda. C'est certain que sans Patrice Cormier, les Huskies sont beaucoup moins forts que les Wildcats de Moncton. C'est gros du transport, hein, cette série-là. Ouais. Gatineau-Saint-Jean aussi. Deux matchs à Rouyn-Noranda. 3 matchs du côté de Moncton et 2 matchs du côté de Rouyn-Noranda. D'après moi, ça ne retournera pas à Rouyn-Noranda, hein? D'après moi, non. Ouais, surtout avec les 3 matchs qui sont du côté de Moncton. En tant que tel, Rouyn-Noranda agit comme équipe locale dans cette série-là, ouais, avec le classement. Premier de leur division. Premier de leur division. Mais si Moncton a eu plus de points, par exemple, que les Huskies. C'est bon. C'est un peu mal fait, je vous dirais, cette façon de faire le classement. L'année prochaine, on va y aller. Ça va changer. C'est ça, ça va changer. Ça va être beaucoup mieux. Deuxième match, ensuite de ça, toujours du côté de l'aréna Dave Keown de Rouyn-Noranda. Cette fois-ci, ça a été beaucoup plus serré. Donc, on était en prolongation. Les Wildcats de Moncton qui l'ont emporté en prolongation 4-3. C'est Daniel Peterson qui a été crédité du but gagnant en prolongation. Donc, ça aurait pu changer d'un bord comme de l'autre, je vous dirais. Mais non, c'est vraiment les Wildcats de Moncton qui l'ont emporté 4-3. Et on se transporte du côté de Moncton ce soir. Des petites nouvelles en terminant ma chronique. Vas-y. Stéphane Leroux, mon Stéphane Leroux que j'aime et j'adore. Non, sans farce, je suis un peu sarcastique. Donc, ça fait 20 ans déjà qu'il couvre la Ligue de hockey junior majeur du Québec. 20 ans de couverture médiatique. Même si j'aime pas beaucoup Stéphane Leroux, je peux quand même reconnaître son bon travail et puis, son acharnement. Vraiment bon travail et acharnement, ça faut le dire, parce que couvrir 20 ans le junior majeur, c'est pas tout le monde qui a été prêt à faire ça. Tu sais, t'en as gros qui embarque dans ce métier-là, quand il se retrouve dans les hautes sphères médiatiques, ce qu'ils veulent. Et ça se voit pour plusieurs, c'est couvrir le Canadien de Montréal, puis le glamour, puis tout ça. Puis ça a l'air que Stéphane Leroux, son automobile, elle a plus de 300 000 km à force de courir les arénas. Ben, c'est normal. Donc, mais moi, personnellement, c'est un boulot que j'aimerais bien avoir. Ouais, moi aussi. Je pense que 20 ans de couverture médiatique, quand t'aimes ça, là, qui genre, quand t'en manges, ben... C'est pas... ça se fait bien. C'est un peu ça la différence entre ici et les États-Unis. Où est-ce que ici, bon, ben, t'es... tu couvres le junior, donc t'es vu comme sans dire deuxième niveau, mais oui, un petit peu deuxième, ben ouais, pas, ouais, deuxième niveau. À côté de la tu couvres pas la grosse ligue, tu sais. Tandis que va aux États-Unis, là, pis celui qui couvre l'équipe du samedi qui fait les matchs à ABC de football, là, ou les matchs de basketball, là, ils sont pas vus comme du deuxième niveau, eux autres. Là. C'est Doug Flutie, c'est Jesse Palmer, c'est dans les anciens joueurs, mais tu sais, il y en a, les journalistes, c'est pareil. T'es extrêmement lu, t'es aucunement vu comme un deuxième niveau. Au contraire, t'es quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. C'est ça. Un peu comme Stéphane Leroux l'est. Mmh. Par contre, cette année, un petit peu plus de responsabilité RDS. On l'a vu quelques fois avec le Canadien de Montréal. Bon, on l'a vu pendant les Olympiques. Les Olympiques aussi. Donc, je sais pas si c'est un avancement, mais en tout cas, j'espère que s'ils font monter au Canadien, s'il vous plaît. Non, mais je veux dire, si le gars qui va le remplacer, j'espère qu'il va avoir autant de... qu'il va triper autant en junior majeur. Ben oui. La passion un peu. Ouais, sauf que Stéphane Leroux, souvent, qui prend le bord de quelques équipes. Moi, Stéphane Leroux, je l'ai souvent vu, tu sais, pour les équipes de Montréal. Mais il y a toujours une dent contre les équipes, contre les remparts, contre plusieurs équipes. Je vous dirais qu'à Québec, là, Stéphane Leroux n'est pas vraiment très bien vu, là. Puis c'est normal, avec la façon qu'il agit là, avec Patrick Roy, etc. Donc, aussitôt que Patrick Roy fait une petite sortie, Il s'aime pas, c'est chat et chien. C'est haut et feu, c'est Marie-Carmen et bonne musique. Tu sais, c'est des extrêmes. Donc, j'ai aimé la comparaison. C'est fin de session et sommeil. C'est ouais. Donc, c'est ça pour Stéphane Leroux. Deux autres petites nouvelles en terminant. Drakkar de Bécomo qui a remporté le tirage. C'est eux qui auront le premier choix cette année en 2010 aux assises annuelles qui aura lieu cette année à Drummondville. Victoriaville. Non, ça c'est en 2011. Non, plutôt cette année les repêchages. C'est à Victoriaville l'an prochain. Okay, en 2011. Okay, je vais peut-être qu'aussi cette année, okay. Là, faudra aller vérifier. Mais c'est pas plus grave que ça. On revient avec les résultats après la pause. Donc, je te remercie beaucoup, Pierre-Luc. Ça va continuer. Donc, ce soir, rappelle-moi les matchs ce soir. Ce soir, bien sûr, on a Gatineau qui est à Saint-Jean. On a Moncton qui est à Rouyn-Noranda. Et du côté de Drummondville, du côté de Rimouski, les Vultures de Drummondville qui seront au Colisée de Rimouski. Ben, je te remercie beaucoup, Pierre-Luc. On s'en va à une pause. On va avoir un peu de Mononcle Serge, question de vous décrasser les oreilles ensuite. Et après, on y va avec les nouvelles. JP Grenier va se joindre à nous. On va toucher une multitude de sujets pour nous joindre en studio live à commercial.inconduitedeparti.com. Pour nous joindre sur la route, www.inconduitedeparti.com. Je ne suis qu'un baladin, qu'un pauvre. C'est fou ça. Musicien. C'était mon oncle Serge Anonymous, l'Académie du Massacre, avec la chanson L'Évêque. Ça décrase des oreilles, hein? Ça te réveille. Ça réveille. On soit en studio. Pas en studio, par téléphone, comme chaque mardi. Ouais. Monsieur Coach JP, comment est-ce qu'il va? Salut les boys, ça va bien. JP Grenier, t'avais une pratique ce matin? Blessure au bas du corps. Oui, je peux pas en dire plus. Tes médecins veulent pas? C'est les entraîneurs de l'équipe. Là. On est en off-season, donc. Faut pas dévoiler ça tout de suite. On est en off-season, faut pas dévoiler ça tout de suite. C'est quoi, t'as mal à la laine? Non, je vous dis en primeur, c'est au genou, là. Je vous dis en primeur. Le gars, il se la croit pas, hein? Non. Ben, pas en tout. Pas si pire que ça. Hey, on a plein de nouvelles à discuter présentement, donc on va faire la liste. March Madness, on garde ça pour après la pause. Parfait. Bon, ben allons-y avec les nouvelles. Donc, c'était cette fin de semaine un défi collégial dans le fond. Collégial 3A, la Ligue de hockey collégiale 3A du Québec, les Dragons du Collège de la Flèche, donc qui étaient en action. Ça se déroulait ici même à Trois-Rivières, toutes les équipes s'affrontaient, un style de round robin un peu. Les résultats pour la Flèche, vendredi contre le cégep, le Collège Harrington d'Oka, c'était une victoire de 6-1. Le lendemain, samedi, ils affrontaient le cégep Lionel-Groux, c'était une victoire de 7-4 au pavillon Claude-Mongrain. Et le dimanche contre le cégep de Saint-Laurent, aussi au pavillon Claude-Mongrain. Je trouve ça drôle que l'équipe a joué 3 matchs à Claude-Mongrain au lieu d'en jouer un peu au Big House, au Colisée de Trois-Rivières. Mais bon, c'est leur aréna, donc j'en déduis que c'est comme ça. Donc, ils se sont inclinés 5-3 contre Saint-Laurent. Ce qui fait qu'avec leur marque, leur résultat, ils vont affronter... ils ont joué 2 matchs samedi en passant. Ils vont affronter en demi-finale, ça s'en va à Coupe Dodge. Dans le fond, ils vont affronter le collège Champlain-Saint-Laurent, donc au centre récréatif de Rock Forest. Donc ça va se disputer dans ton coin, ça, JP? Oui. Exactement, hein, c'est Rock Forest. Et les autres matchs, Sorel Tracy va affronter Saint-Laurent au centre Julien Ducharme. Donc les gagnants vont s'affronter dimanche. À 13h, ça va être au centre récréatif de Rock Forest pour la Coupe Dodge, le championnat de la saison, etc. Je pense qu'on peut dire que pour la Ligue, ça a été un beau succès en tant que tel. Comme première année, je pense que ça devrait se continuer. Donc, félicitations à eux. Vraiment très, très bon. C'est intéressant de voir un peu ce que cette Ligue-là va faire dans le futur. D'autres nouvelles sur la Ligue? Bon, ben les étoiles ont été... les trophées ont été remis suite à la fin de l'année. C'est Mathieu Tremblay du Collège d'Alma qui a raflé le titre de joueur par excellence et de recrue de l'année. Donc, veut pas, tu sais, tout le monde est recrue de l'année cette année. Donc, tout le monde est une recrue. Donc, c'était facile. En 28 matchs, il a récolté 35 buts, 38 mentions d'aide pour 73 points. Des stats de roller hockey, ça, hein, JP? Pardon? 35 buts, 38 mentions d'aide, 73 points. C'est pas mal des stats de roller hockey, ça. C'est vrai. Roadrunner. Roadrunner. Cal Boudreau? Mais c'est pas Francis Bouillon et tout qui avait joué là-dedans? Ah, il y en a une couple là, qui ont joué là-dedans. Là. T'as Francis Boudreau... Corrado Mikalev, t'en veux-tu d'autres? Il y en avait une coupe, mais Bouillon, ouais, a pas mal été le meilleur joueur à jouer dans cette ligue-là. Manon Réaume aussi, mais ça en tout cas. Cournoyer le coach. Ouais, il va cournoyer le coach, puis tout ça. du côté des Dragons, bon, ben, Jean-Maxime Caron a été nommé étudiant athlète par excellence chez les recrues, tandis qu'Étienne Jutras de Bécancour a fait la même chose du côté des vétérans. Donc, félicitations au Cégep de Trois-Rivières, pas au Cégep de Trois-Rivières, mais au Collège de la Flèche, qui semble très bien éduquer ses joueurs de hockey en tant que tel. Donc, c'est très bien fait. Au niveau des étoiles, les équipes d'étoiles, bon, ben, c'est Vincent Lompré du Collège de la Flèche qui est nommé sur la première. Et Francis Nolin, le défenseur, sur la deuxième équipe d'étoiles. Pierre-Luc, on va continuer dans le hockey. Ouais. T'as championnat mondial de hockey des moins de 18 ans. Oui. L'équipe est sortie. Ça va être Guy Carbonneau qui va la diriger. Oui, Guy Carbonneau qui va être l'entraîneur-chef de cette équipe. Deux joueurs québécois qui seront avec lui. Ça va se dérouler du côté de Bob Ruisk au Belarus. Comment? Donc, Bob Ruisk. Bob Ruisk. Bob, comme B-O-B. Bob? Ruisk. OK. R-U-I-S-K. Robert Ruisk, dans le fond. Ouais, si on veut. Donc, c'est au Belarus du 13 au 23 avril. Donc, deux joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec y feront partie. Tout d'abord, Michael Beaudivard des Cataractes de Shawinigan. Ouais. Représentera le Canada. Et Gabriel Desjardins des Moussets d'Halifax sera là, le deuxième joueur d'office, deuxième Québécois d'office pour l'équipe canadienne des moins de 18 ans. Continue, on va y aller avec la Coupe Fred Page. Je sais pas si tu connais, c'est quoi un peu la Coupe Fred Page? Non, OK, ben bon, c'est là, c'est junior, ce qui arrive avec le junior 3A, ou devrais-je dire le junior A dans le reste du Canada, c'est que, bon, t'as le champion de la Ligue junior 3A du Québec, t'as la championne de la Ligue des Maritimes, t'as, bon, il y a plusieurs ligues, le junior A, il y a juste au Québec, je pense, ou à peu près, que, ou du moins au niveau gros soir territoire, que la Ligue est si étendue que ça. Tu sais, normalement, dans d'autres, t'as la Ligue de Toronto junior A, t'as la Ligue de l'Est de l'Ontario, t'as la Ligue de l'Ouest de l'Ontario, tu sais, c'est, normalement, c'est plus serré au niveau des communautés, au niveau, donc ici, normalement, t'aurais, bon, la Ligue... T'as vraiment la Ligue de l'Est du Québec et la Ligue de Montréal, tu sais, ce que t'as pas en tant que tel, tu sais. Donc, le tournoi de la Coupe Fred Page, bon, on va avoir lieu dans deux semaines. C'est à Brockville, en Ontario, du 21 au 25 avril. On connaît déjà, bon, les équipes, certaines équipes qui vont se rendre là. Du côté du Québec, c'est entre les Cobras de Terrebonne ou le Collège français de Longueuil qui vont représenter la Ligue, donc l'équipe qui va gagner la Ligue en tant que telle, les finales. Du côté de l'Ontario, bon ben les Braves de Brockville en étant l'équipe haute va participer. On va aussi retrouver les Lumber Kings de Pembroke qui vont être là. Et du côté de la Ligue des Maritimes, c'est Pembroke, c'est ça? Tu mélanges moi là? En tout cas. Donc ça va être ça. Je suis désolé. Pas de problème. Mélanger la ménage. Mais ça va être très quelle intéressant. Quelle note? La page internet qui est ouverte là. Fais pas trop d'illusions, Jean. Donc donc c'est ça. Donc on va pouvoir suivre ça. C'est Wings ou Woodstock, je l'ai. Bon, merci. De rien. C'est pas à toi, je disais merci, c'était à mon cerveau. Donc, ça va être Wings ou Woodstock qui vont venir défendre les couleurs du Maritime. Ça va être à suivre. Je trouve ça très intéressant. Après ça, le gagnant de la Coupe Page s'en va au championnat national canadien de Junior A en tant que tel contre... Ça va être ce qu'on appelle la Coupe Royale Bank Canada, la Banque Royale, là, tout simplement. Mais ça, c'est dans plusieurs semaines. Donc, on va suivre à ça. Hey, un nouvel hockey, puis Luc, le championnat mondial de hockey s'en vient. Oui, ça s'en vient. On a parlé des moins de 18 ans, on va parler des hommes. Des vrais. Martin Saint-Louis a dit mange la merde à l'équipe canadienne. Ouais, Martin Saint-Louis qui a décidé qu'il voulait pas faire partie de l'équipe d'équipe Canada. C'est Marc Messier qui est le directeur général cette année. Donc, Martin Saint-Louis qui a refusé. On devrait peut-être avoir ses coéquipiers Steven Stamkos et Steve Downey qui pourraient normalement faire partie du club, mais encore rien de sûr. Bien sûr, probablement que l'alignement va être sorti là, à la fin de la saison là, lorsque les équipes seront éliminées. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, JP, que Saint-Louis, qui a tout le temps été représenté le Canada cette année, dis non? C'est sûr qu'il l'a sur le cœur pour les Olympiques. Ouais, c'est mon impression, moi aussi, en tant que tel. Là, parce que, on le sait que c'est un peu comme Ryan Smith. Là, c'est le Ryan Smith québécois, en tant que tel, Martin Saint-Louis. Donc, il doit l'avoir sur le cœur pas mal. Ce qui est comprenable, jamais je vais y reprocher ça en tant que tel. Je pense qu'il méritait sa place aux Olympiques. Ouais, ben, j'aurais été curieux de voir. Tu sais, c'est qu'on a décidé d'y aller avec un type d'équipe pour les Olympiques. Puis malheureusement, il ne fitait pas dans le moule, sauf qu'entre toi puis moi, bon ben, il aurait pu faire très différent, surtout contre une équipe de même Saint-Louis, t'as un joueur talentueux. Quand on avait de la misère à compter des buts, ça aurait pu être utile en tant que tel. Donc, hey, on continue, nouvelle, box. Bernard Hopkins contre Roy Jones, avez-vous suivi ça un peu, les gars? Le combat des vétérans. Le combat des anciens, des dinosaures en tant que tel. Hey, donc ça c'était samedi. Comme on dit, avoir fait ce combat-là, il y a 5-7 ans, ça aurait été probablement un des combats les plus payants de tous les temps. Mais aujourd'hui, non, c'est ça, des dinosaures. Hopkins a quoi, 45 ans à peu près? 46, puis Roy Jones, quoi, 42? À peu près, 41, je pense. Donc, les cannes, les marchettes étaient sur place. C'est pas vrai. Les gars sont en forme quand même, mais ça a été un peu pénible comme combat. C'est une victoire de Bernard Hopkins par décision. Donc, est-ce que vous pensez que ça va être un peu la même affaire pour Lucas Andrade? Ben, Andrade est encore en forme. Ouais, mais t'as Eric Lucas qui revient, puis il est plus à son sommet, là. Ouais, ben moi, je me demande toujours comment Lucas peut espérer gagner ça. Moi, je me le demande, sérieusement. Pas plus tard que v'là un an, Andrade avait des combats de championnat, puis il a super bien boxé contre Bouté, qui est au sommet de sa forme présentement, là. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi que c'est... Écoute, Lucas se lance dans une grosse aventure. Je pense que c'est un do or die de son côté. Si ça marche pas contre Andrade, ça va peut-être être sa deuxième retraite en tant que tel. Mais il l'a dit lui-même, il allait pas là pour... il voulait pas revenir pour avoir des jambons. Là-dessus, on peut pas dire qu'il ment. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, Bernard Hopkins gagnant, ça a dû être quand même très payant comme combat. On espère toutefois que ce soit un peu leur dernier. Les gars sont encore capables de marcher. On aimerait ça qu'il le réalise peut-être, qu'il arrête ça un peu, mais quand t'as la passion, t'as la passion, hein. Sur la scène québécoise, David Lemieux, fidèle à lui-même, donc il a remporté le combat à... David Lemieux, là, honnêtement, là, probablement un des meilleurs espoirs de boxe au Québec. Si Bouté est en haut, Pascal est en haut, David Lemieux, regardez-les monter. Là, il affrontait surtout des jambons, sauf que ses derniers combats, c'était un petit peu mieux. Walid Michel, bon, ben, c'est pas débile, mais c'est un combat un peu de remplissage qu'on appelle, tu sais, quand tu veux pas, tu vas en faire un tous les 3-4 mois à peu près, là, donc... ça, il l'a battu par KO dévastateur. Il avait 57 secondes de fait au deuxième round. Donc, ça n'a pas été long que si Michel, les yeux se sont fermés. Donc, félicitations à David Lemieux. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner bientôt pour lui. Hey, tu parlais du combat Bouté Andrade, JP. Oui. Tu sais, à Trois-Rivières, on a un jeune mi-moyen qui s'appelle Michael Zouski. Ouais. OK, t'as la nouvelle. Vas-y. Ben, Michael Zouski, dans le fond, qui va représenter le Trois-Rivières, dans le fond, dans le gala qui sera présenté à Québec, au Colisée Pepsi, le 28 mai, dans le gala, justement, qui mettra en vedette là, Eric Lucas contre Librado Andrade. Donc, tantôt, tu parlais de boxeurs qui seront de David Lemieux. Ben, Michael Zouski en quand aussi, ouais, là, qui devrait même être un futur... C'est sûr que c'est tout à fait difficile à dire à 21 ans parce que t'as pas une tonne d'expérience. Je sais pas quel âge David Lemieux a, par contre. Là, je vais checker bien, il est 22, genre. Mais non, Zouski qui... 21 ans. Lemieux? Non, Zouski. Ah oui, Zouski a 21 ans, mais Lemieux, c'est ça, je me demandais. Il est le frère aussi. Oui. De quelqu'un de qu'on connaît bien, Nikita. Communication. Donc, j'ai hâte de voir Zouski qui fait plus. Lui qui a décidé d'y aller par le chemin des États-Unis pour se faire connaître. C'est très différent d'Interbox et de Jim. Sur toute la plupart des boxeurs québécois s'essayaient dans ces deux compagnies-là. Très intéressant de voir que aussi qu'Interbox décide de faire une place sur son gala. Probablement ça va donner une meilleure bourse pour lui. Donc, tu sais, on veut pas pour vivre. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis ça va lui donner un peu de d'exposure. Un peu de vision, donc d'être vu. Donc vraiment content pour lui. On va voir. On va le suivre. Du coup, Et finalement, dernière nouvelle, on va rester dans les sports de combat, c'est la finale, le main event de UFC 115. Attends, je vais le faire comme Bruce Buffer. Main event! C'est-tu pas payé, ça? T'as-tu? Ouais. Non? Ouais? Non? Je suis pas comme Michael Buffer? Je pense que t'as là. Non? Ouais, je pense que... Non, let's get ready to jungle! Donc, le UFC 115 qui va avoir lieu le 12 juin à Vancouver, le main event est connu, ça va être John Fitch contre Thiago Alves. Ça fait quelques fois que les deux sont supposés de se pogner, par contre, à cause de blessures, c'est annulé. Ça devrait donc, s'il n'y a pas de blessures, se dérouler la fin de semaine du 12 juin à Vancouver, le gala qui avait failli être annulé. Donc, au moins, c'est sauvé. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. On s'en va en musique. On s'en va écouter Anéantir le Dogme, Vulgar Machin. Au retour, GP, March Madness, Final March Four. Madness. Tu nous parles de ça? Yes. C'est bon. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est fou. L'inconduite de partie. So they would hope that Zubek makes this. I'm going to try. It's Hayward pulling it down. Getting around Zubat. At midcourt, launches the shot. Oh, it almost went in. Almost went in. And Duke is the king of the dance. 2010. Wow. Aïe, aïe, ça fait mal. Ah, oh, que c'était beau à voir. Ah, oh, que c'était J'en beau. J'ai eu à... larme à l'œil. Écoute, le bong, là. Bong, bong, ça arrêtait plus, là. C'était pénible d'entendre ça. Quand... C'est comme s'il n'y avait plus un son dans le stade. Ah non, mais tout le monde est tombé, là. Parce que tout le monde voulait. Même, tu sais, je pense, Dio qui voulait que ça, qu'il le fasse quasiment, là. C'était à peu près les seuls qui disaient non, parce que tout le monde était comme. Tu sais, même toi, je suis sûr que tu voulais qu'il la mette dedans. C'est sûr que ça aurait été dramatique. Ça aurait été vraiment le fun de vivre ça, mais... On aurait parlé d'un des plus grands shots de tous les temps, là. Exact. S'il l'aurait mis, là. Au même titre que celle de Michael Jordan en 83. Exactement. Écoute, ben, on va expliquer un peu ce qui se passait. Là, ce que vous avez entendu, c'est Gordon Hayward, qui est un des meilleurs joueurs du côté de Butler. Butler, qui, disons-le, était classé 5e au classement, qui affrontait les numéro 1 au niveau de leur seed. Là. C'est les fameuses classes en tant que telles. Pas les classes, mais les régions. Donc, eux étaient 5e dans leur région. Duke était premier dans la leur. Ils s'affrontent en finale. Personne ne s'attendait à voir Butler là. Personne ne s'attendait à voir Butler rivaliser. Ça s'est terminé par 2 points de différence. Qui l'aurait prédit? Qui l'aurait prédit? Pas nous autres, en tout cas. Tout le monde, la braquette. Toi, t'avais Duke, toi? Moi, j'avais Duke, mais okay. Pas. Il avait perdu en demi-finale. OK, tu sortais Duke, là. Tu te faisais même pas confiance à Duke jusqu'à la fin, là. Ben non, j'essaye, là. Moi, je faisais confiance à Kansas puis Kentucky, qui étaient, selon moi, les deux meilleures équipes, là, sur papier. Ouais, puis moi, de mon côté, j'étais sorti aussi. Moi, tout, c'était Kansas-Kentucky que j'avais en finale. Avec Villanova, si je me souviens et bien. Et vois-tu, Pierre-Luc, là, on avait parlé un peu de sa braquette. Toi, je pense, Pierre-Luc, non plus, c'était pas mieux en finale. Non. C'était quoi ton final? Moi, c'était Brigham et West Virginia. BYU contre West Virginia. West Virginia, ouais. Qui a quand même... Fait la demi-finale. Ouais. Donc là-dessus, félicitations, Pierre-Luc. Pour un gars qui connaissait absolument rien, je pense que ta braquette est quand même... intéressante. Ouais, intéressante. Ouais. Je vous ai quand même battu. C'est le hasard fait bien les choses, comme on dit. Ouais, non, tu nous as battu parce que Duke, tu n'avais pas mis Duke. Fait qu'en mettant pas Duke, tu faisais pas autant de points. Donc, en effet, puis il y a lui qui a été meilleur que nous. Allez, parle-nous un peu, JP, de ce qui s'est passé durant la fin de semaine. Ben, durant la fin de semaine, dans le fond, on avait les deux matchs de demi-finale qui étaient samedi. On avait tout d'abord Butler qui jouait contre. Si je me souviens bien, c'était les Spartans de Michigan State. Michigan State qui sont habitués de choquer encore en Final Four. C'est la 6e fois dans les 12 dernières années qu'ils se rendent là. Puis ils n'ont aucun championnat national là-dedans. Là. Donc, un peu comme au football, ils sont pas bien bons dans les gros matchs. Non, ouais. Fait que c'est dommage pour leurs fans parce qu'ils sont là tous les années. C'est quasiment un coup sûr de les envoyer là. Puis en plus, ce qui leur a fait mal, c'est la perte de Lucas, leur gros joueur. Veut pas, là, il était essentiel au succès de l'équipe. Puis, écoute, l'équipe avait travaillé super fort pour se rendre là quand même, mais Butler l'a emporté. Puis, j'aimerais juste te dire que, tu sais, on parle de Butler comme une équipe des sous-estimés, les underdogs. Ouais, Cendrillon un peu. Exactement, mais moi, j'ai regardé, puis au début de la saison, il était classé 11e au pays. OK. Donc, okay. C'est pas tant que ça, des sous-estimés, là... C'est une super belle histoire, mais quand même, ça, je trouve qu'ils ont oublié de le mentionner. Ils n'ont pas eu une bonne saison, dans le fond, là. Ben, quand même, 32-4, c'est pas mauvais pendant comme saison. 32-4? Oui. Sais-tu pourquoi ils ont été très mis aussi bas que ça? Ben, j'ai aucune idée, mais en tout cas, c'était surtout, regarde, on a surtout retenu que c'était l'équipe locale. Ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun pour ça, là. OK. Ben, ouais, ben oui, l'équipe locale, parce qu'ils jouaient, explique-le, Butler évalue. C'est comme d'Indianapolis, là, si on veut. C'est un petit campus de 5000 étudiants qui est environ à 15 minutes du Lucas Oil Stadium, dans le fond, le stade où ils jouaient hier. Oui, qui est le stade des Colts d'Indianapolis, là, pour ceux qui... Exactement, c'est comme un peu si les Carabins de l'Université de Montréal jouaient au stade olympique pour la finale de la Coupe Vanier, par exemple. Oui, c'est intéressant, ou... Ou l'UQAM, ou whatever, je sais pas trop, ouais. Là, mais c'est un peu ce que ça représente. Ouais. Oui, puis non. C'est comme un échantillon, genre. Une finale de même, mettons Laval ferait la finale de Coupe Vanier à Québec, ce serait comme la petite bouchée avec le cure-dent dedans par rapport à ce qu'on a vu hier soir. Exact. Donc, ouais, c'est la toune de GoldenEye. Ouais, t'es fort, hein? J'adore ça. Je t'ai entendu arrêter de parler, j'ai essayé d'analyser ce qui jouait en background. Sinon, l'autre match d'après, ben, un autre excellent match, Duke contre West Virginia. Pierre-Luc, ils avaient mis en finale, ben c'était pas un mauvais choix. Duke l'a quand même emporté. Un peu moins serré que contre Michigan State. C'est carrément le match Butler-Michigan State qui s'était décidé encore au dernier instant. Mm-hmm. Non, c'est ça, Duke. On, sans dire de mener, ont quand même mené une bonne partie du match. C'était pas une surprise. Ils sont très bien menés par le coach Mike Krzyzewski. Le nom le plus dur à prononcer que j'ai jamais vu. Krzyzewski. Ben, ça dépend. Il y a une couple de joueurs dans l'équipe des Patriotes. Soccer, j'ai eu de la misère à prononcer cette année aussi. Donc, Coach K. Exactement. Coach c'est plus facile pour tout le monde à retenir. Qui est une légende, on s'entend, là. Ben, écoute, il s'est fait offrir un contrat avec les Nets de New Jersey. Ben, récemment, un contrat de 12 à 15 millions par saison, puis il a refusé. Hey, c'est débile, là. 12 à 15 millions, puis tu refuses ça, là. Faut que t'aimes ce que tu fais, puis pas à peu près, là. Puis dire que lui, tu sais, c'est l'entraîneur de l'équipe américaine de basketball aussi. Ouais, puis ça, là. Puis, penses-tu qu'ils l'ont nommé l'entraîneur de l'équipe du Dream Team, entre parenthèses? Ça, c'était aux Olympiques, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, okay. Mais dans le fond, en 92, c'est le 92, le Dream Team, hein? Ça, c'était Jackson. Ouais, mais c'est ça. C'est parce que j'ai fait des parenthèses avec mes doigts, mais c'est parce que tu les as pas vus. Ah, OK, c'est bon. Mais, non, en tant que tel, non, c'est ça que je me demandais. C'est, tu sais, il a fait... Il était, je veux dire, aux Olympiques en 2008, il était le coach d'équipe Canada. Pas équipe Canada, équipe America. Exactement. OK, penses-tu qu'ils l'ont nommé à ce poste-là? Parce que... Là, non, parce que justement, en étant un entraîneur très respecté et des collèges, il y a pas... les gars de la NBA, comme ils le voient pas justement comme un entraîneur de la NBA, mettons... Qui pourrait être favorisé. C'est ça, favoriser lui, favoriser l'autre, puis tout ça. Comme un peu Crawford qui avait envoyé certains de ses joueurs à la place de Gretzky aux Olympiques. Ouais. C'est un peu ça que tu veux dire. Là. Ou choisir Rob Zamaner sur l'équipe. Exact. Non, mais sans joke, c'est une méchante tête de basketball, ce gars-là. Puis il est respecté, c'est pas pour rien. Là, tout le monde veut jouer pour lui. Il doit faire une dizaine de millions par année à Duke, lui. À peu près, là. À peu près. C'est un emploi stable. Il est là depuis 15 ans, je pense. Je pense que c'est la 14e saison cette année. Faudrait que je le cherche, là. Exactement. Mais... C'était déjà son troisième championnat national. Donc, un excellent coach. Puis, tu sais, la différence qu'on voyait avec Butler, c'était tous des petits gars de la place qui sont nés en Indiana, des Hoosiers, comme on dit, là. Ouais. Le terme désigné pour ceux qui avaient par le piano. Hey, t'as-tu remarqué hier qu'au quatrième quart, en allant à une pause, c'était à peu près 5 minutes, puis on voyait que ça allait être possible. Puis le commentateur à CBS, il me manque son nom, là, mais il a dit, et celle-là, elle est toute pour tous les petits programmes qui ont jamais réussi à se rendre ou qui veulent se rendre, puis ils ont mis la toune de Hoosiers, man. Ah, c'est sûr qu'ils ont gros joué avec ça. Ouais. Puis... Oui, parce qu'on ne dit pas, mais Butler, Hoosiers, OK, le film Hoosiers, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un film de basketball tourné en 84-85 environ, puis qui raconte l'histoire d'une petite école secondaire dans le fin fond de l'Indiana qui réussit à se rendre à la grande danse. Donc, et la grande danse, en tant que telle, se joue dans l'aréna de Butler. Donc, c'était de multiples clins d'œil qui ont été faits hier soir par rapport à ce film-là. Exact. Où ce que je voulais amener, c'est que Duke, tu regardes l'équipe, c'est tout composé de joueurs qui viennent partout des États-Unis, New Jersey, il y avait Iowa, je pense, C'est un des Dream Team, là. Exact. C'est là que tu vois que les gars veulent se déplacer, non seulement... Tu sais, c'est comme si tu ferais une bourse d'études à un joueur du Québec pour aller jouer à l'université BC, là. Ouais, ouais. La même affaire. Donc, non, c'était David contre Goliath, carrément, puis... Quel spectacle on a eu hier, j'ai adoré ce match-là. Moi aussi, j'ai trouvé ça excellent. Puis, tu sais, j'espère qu'il y en a plusieurs qui ont regardé ça, puis qui se sont dit, ben, je vais peut-être suivre un peu plus le basketball à l'avenir. Exact, ça va juste aider le sport. C'est sûr que la NBA, c'est un jeu carrément différent, là. Oui. Oui, ouais, non, non, moi aussi, puis je suis vraiment plus basketball collégial au niveau de l'intensité des gars, au niveau de ce qu'il offre, de la rapidité du jeu par rapport au jeu beaucoup plus défensif, disons-le, de la NBA en tant que tel. La seule affaire que j'aime un peu moins au collégial, c'est qu'il y a gros défaut. Ils sont pratiquement tous appelés. OK. Dès que ton joueur, il fonce vers la bouteille, puis il entre dans quelqu'un, tu sais qu'il va avoir une faute défensive. Tandis que dans l'NBA, ils sont beaucoup plus tolérants avec ça. Ils sont plus solides aussi. Exactement, ça ralentit beaucoup le jeu. De toute façon, c'est deux demi de 20 minutes, donc au pire, c'est pas si grave que ça. Non, non, en effet, non. Non, un excellent spectacle, j'ai déjà hâte à l'an prochain. Moi aussi, j'ai très hâte de voir ça. Donc, on va aller une pause? Hein? On se laisse, en allant à la pause, on va se laisser sur le tir. Écoute, j'en parlais tantôt, CBS a vraiment remonté le tir de tous les angles possibles et repossibles et repossibles. Donc on se laisse en écoutant ça, en allant à la pause, au retour, on s'interroge. Interrogeons-nous, qu'est-ce que TVA Sports, la nouvelle chaîne câblée, devra diffuser pour essayer de rivaliser avec RDS. Donc... On va aller écouter ça. Vous écoutez l'inconduite de partie. On va avoir un peu de sub aussi en musique, donc on va écouter. Ça va être bon. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Hard to believe it was that close from midcourt. C'est fou, c'est comme arroser son asphalte. Nounou! Il y a un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. L'inconduite de partie. Buildings, roofs, C'était Sub avec The Factories. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. Allons-y. Écoutez les gars, TVA Sport a eu sa licence. C'est un sujet qu'on voulait parler depuis un petit bout, mais on a tellement de stock à parler à l'inconduite de partie qu'on peut pas tout le temps. Hein? Donc, a eu sa licence. Le CRTC a dit oui. À partir de là, c'est sûr que ce que voulait Pelado, et Pelado a demandé au CRTC de statuer là-dessus, c'est il voulait des matchs du Canadien, parce que là, c'est RDS qui a tous les droits. Et ce que leur argument, c'est on ne pourra jamais rivaliser avec RDS parce qu'on n'a pas le Canadien et on ne pourra jamais l'avoir. C'est-à-dire, ce qu'ils voulaient, c'est que les matchs soient splittés un peu comme TSN, Sportsnet font et CBC font avec les Maple Leafs de Toronto. Ouais. L'argument, bon, c'est ça. On ne l'aura jamais parce que CTV Globe Media, qui est propriétaire de RDS, est maintenant actionnaire dans le Canadien de Montréal. Donc, logiquement, on se doute que ça va aller de quel bord quand ça va être le temps de choisir qui va être le diffuseur officiel. Et en attendant que les Nordiques fassent leur retour dans la Ligue nationale, ce qui peut prendre 5, 10, 15 ans, on s'entend qu'il n'est pas construit. On va aller pour 5. Ouais, t'as comme une lame dans les yeux quand tu dis ça. Là. Je vais être vivant quand ça va revenir. Ah, c'est ça. Mais écoute, l'aréna n'est pas construite, le club n'est pas là, puis personnellement, ils sont en train de manquer une opportunité avec les Thrashers d'Atlanta ou les Islanders de New York. En tout cas, gars, on va y aller pour minimum 5 ans. OK, allons-y là-dessus. 5-6 ans. Alors, qu'est-ce que, sans le Canadien de Montréal, ils vont pouvoir avoir des matchs de Ligue nationale, par contre, ils vont pouvoir aller chercher les Sénateurs, tout ça. Qu'est-ce que TVA Sport se doit de diffuser et que doivent-ils faire pour être compétitifs avec RDS? Ou un compétitif, ça va être difficile, là, mais au moins essayer de donner un show face à RDS. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Ben, moi, je vais commencer tout d'abord. Bien sûr, ça fera pas changement à mes propos, normalement. Non. Je pense que la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec, ça serait premièrement une grosse affaire à mettre dans le TVA Sport. On n'en voit presque pas des matchs de la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec à RDS. Puis c'est quelque chose qui, je pense, viendrait chercher beaucoup de gens. Écoute, des matchs des Remparts, pas seulement les Remparts, là, des matchs d'un peu n'importe quelle équipe, les Tigres, des Cataractes, je pense que ça irait chercher beaucoup de spectateurs. Puis les gens seraient contents de voir qu'il y a un produit local. Qu'il y a un produit local, puis que TVA est pour le sport local, ouais. Pour le sport provincial. Où est-ce que TVA, normalement, bon, premièrement, RDS ne produit aucun match junior, à ma connaissance. Il en faut quelques-uns. Non, je veux dire, il achète. Ouais, ils achètent. Les images, ils produisent pas, OK? Donc, si le match est pas à Sportsnet, RDS ne diffuse pas, ils se retrouvent avec la Coupe Memorial à la fin, mais ils n'ont pas présenté, ils n'ont pas produit aucun match. Tu sais, je veux dire, oui, OK, c'est pendant une série éliminatoire que la finale du junior majeur va se faire, mais ça serait le fun de présenter un, deux matchs éventuellement, tu sais. Là, ça joue Cogeco, TV Cogeco, ça joue sur Vox TV, ça joue sur TELUS Télé aussi, ouais. Sur Internet aussi. C'est payant, par exemple, sur TELUS TV. Ouais, non, mais tu as un poste TELUS TV aussi, ouais. Sur les gens qui ont la télé TELUS. Donc, j'imagine que c'est plus ou moins les mêmes images que sur Internet. J'en déduis. Je suis pas sûr, là, mais j'en déduis. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. L'avantage que TVA a, c'est que, puis aussi pour faire les reportages et tout ça, c'est que t'as un studio de TV, TVA, à Trois-Rivières, t'en as un à Québec, t'en as un à Rimouski, t'en as un, bon, Sherbrooke, y a pas de club, là, mm. T'en as probablement un, t'en as un à Gatineau, je sais pas si t'en as un à Abitibi, en tout cas, je m'avance pas là-dessus trop, mais au moins t'as des équipes locales qui vont pouvoir prendre une caméra, un reporter, aller faire tes entrevues d'après-match, aller faire ici pour ton butin de sport. Au niveau de ta présentation, t'as-tu vu des matchs un peu à Vox TV? T'as-tu vu ce que ça a de l'air? Ben moi, j'ai écouté plus que Cogeco. Vox, moi, ça, j'ai pas de match à OK, Vox, bon. Québec. HD, haute qualité, ouais. Super beau. Les gars sont professionnels. T'as l'impression d'écouter, si tu vois au niveau du calibre, mais t'écoutes un très bon produit, très bien présenté. Ça me faisait penser à un plus petit niveau à Québec-Montréal. La série Québec-Montréal, ouais. Les matchs diffusés en direct de l'auditorium de Verdun. C'est à peu près le même type d'image, c'est à peu près les mêmes façons de faire, peut-être un peu moins de caméra, mais ça reste très bien. Donc, ça sera la première affaire, junior majeur. JP, on t'entend pas gros parler. T'as-tu d'autres idées, toi, que TVA Sports se doivent de faire? Mais écoute, le junior majeur, je pense que c'est la priorité numéro un. Puis c'est pas seulement de présenter les matchs, mais c'est de créer une tradition. Oui. Les personnes, tu te dis, ah, ben, tu sais, ils vont s'asseoir devant le téléviseur, puis ils vont écouter la game de la semaine. Puis aussi, tu sais. C'est de savoir c'est qui joue dans la game de la semaine, qui joue pour cette équipe-là. Je veux dire. Présentement, Sean Couturier, qui est le meilleur joueur de la Ligue, ou plus ou moins le meilleur joueur de la Ligue, mais qui est probablement la plus grosse attraction de la Ligue l'an prochain, 95 à 99% des Québécois ont aucune bâtarde d'idée c'est qui. Ils ne savent même pas pour quelle équipe qu'ils jouent. C'est ça, pourquoi? Parce qu'il est zéro showcassé. Parce qu'il s'appelle pas Sidney Crosby, on se rappelle de quelques années. Crosby était partout. Donc, c'est ça, de vraiment, comme tu dis, créer une tradition. C'est sûr que ça serait la meilleure nouvelle pour le junior majeur en tant que tel, pour la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, là. Tu sais, qui demande même pas de se faire payer des droits pour la présentation des matchs, là, qui. Les foules vont s'en faire, vont paraître, là, en tant que tel. D'autres idées? Vas-y. Et aussi, ben, tu sais, peut-être aussi, on sait qu'il y a le dimanche, durant l'automne, il y a la NFL RDS. Mais pourquoi pas présenter un autre match qu'eux, tu sais? Fait que, tu sais, mettons, je sais pas, moi, à RDS, un match Patriots-Jets. Ouais. Pourquoi pas, genre, à TVA, ça serait Giants-Eagles, par exemple. Donc, on reste plus ou moins dans les mêmes types de. Dans le sport. C'est-à-dire, on va aller essayer d'aller manger. C'est parce que je sais pas, le monopole de RDS fait qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont comme entente avec les ligues? Est-ce que RDS est le seul qui peut présenter du football de la NFL en français au Québec? On ne sait pas, ça. Ils sont les seuls à le faire de toute façon. C'est ça. Là. D'après moi, non. Ils n'ont sûrement pas d'entente tout seul, là, d'entente de monopole, parce qu'ils n'en présentent pas toutes les semaines, de toute façon. Ouais. S'ils en présentent toutes les semaines, c'est pas régulier en tant que tel. Des fois, c'est dimanche soir, des fois, non. Donc, ça change tout le temps en tant que tel. Mais encore là, tu sais, ce serait comme le meilleur match que toi, tu as le goût de regarder et non la qualité du produit parce que ça resterait le même. Une autre chose que moi, je trouve intéressante, ce serait peut-être d'investir côté UFC, qui est un sport il y a une montée, puis la popularité, ça, je veux dire, est grandissante, là, veut pas, on le voit partout. Sauf que TQS le fait, ça, puis je suis pas sûr que c'est un succès. Peut-être parce que c'est mal présenté ou la cause aura ouais, pas V, idéale. Ouais, V, V le fait. J'ai pas regardé ça honnêtement, là, j'ai pas eu le temps, mais moi, ça me semblait bien. Là. Ben non, mais pas au niveau de la présentation, je veux dire, au niveau des codes d'écoute, je suis pas sûr que ça, c'est payant. Je pense que Call TV avait des meilleurs codes d'écoute. OK. Mais, tu sais, c'est pas facile, je veux dire, Call TV, faut que tu devines que la personne s'appelle Ramalemele, puis c'était les noms qui commençaient en R. Moi, j'ai dit Richard, mais... Rabala. Rabala. Eh bien. Donc, à part de ça, OK, là, on change. Basketball, tu toucherais-tu à ça? Éventuellement, les Raptors, je sais que c'est pas... Ben, il y a quand même une popularité là, au Québec, surtout dans la région de Montréal, le basket. Moi, je touche même pas à ça. Ben... Je touche même. Ils vont falloir du produit éventuellement, là, parce que... Je comprends. Ils vont remplir leur cause avec quoi, là, les jeux cocasses de la semaine. Je comprends ton point, mais je pense que le basketball ne pogne pas assez au Québec pour que de pouvoir faire ça. Je pense que le mini-pot pognerait plus. Ça coûte pas cher, le mini-pot à produire. Là. Mais je pense vraiment que le mini-pot pognerait plus. Ou, je ne sais pas. L'été du baseball. Oui, du baseball, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Mais moi, ce que je ferais, là, à être TVA Sport, là, je m'arrangerais pour devenir le diffuseur officiel. Des capitales et tout au P. Non, oui, mais là, je sais qu'on parle de baseball, là, mais le diffuseur officiel des Patriots de Nouvelle-Angleterre. OK. Parce que c'est l'équipe la plus proche. Puis je te dirais que quoi, minimum, de tous les fans de football au Québec, t'as facilement 25% qui trippent ces Patriots, là. C'est pas plus sans que être ça. Sans être des connaisseurs. Et, ouais, sans être des connaisseurs. Et c'est pas loin. Si t'as une grosse partie, t'es capable d'envoyer ton journaliste. T'es capable, tu sais, c'est... À 5 heures d'ici. 5 heures d'ici, Foxborough, en suivant plus ou moins les limites, là. Je pense qu'il y a de quoi d'intéressant à faire là-dessus. Puis ce qui peut aider TVA, c'est que c'est pas un réseau qui est en manque d'argent, au contraire. Ouais, pour là, commencer, c'est... ils auront pas le choix d'investir pas mal. Oui, mais en même temps, les capitaux, ils l'ont. Oui, non, c'est ça, c'est ça. C'est pas comme si le cancer à zéro, puis c'est un do or die, là. C'est ça, ça marche, on se plante, là. Ben, contrairement à RDS, qui, quand ils ont commencé, bon, ben, c'était, sans dire les moyens du bord, c'était un peu plus difficile. TVA a les moyens de mettre leurs pieds dans la porte, puis bloquer la porte pendant un bon bout. Tu comprends ce que je veux dire? Essayer de bloquer l'élan que RDS a, qui font des profits vraiment, et c'est bon qu'ils fassent des profits, tu sais. Sauf que j'ai tout à trouvé que chez RDS, le fait qu'ils ont le monopole font qu'ils s'investissent pas assez. C'est un peu comme la lutte. Quand la WCW a disparu, la WWF, en se retrouvant tout seul, ont arrêté de se forcer. T'es d'accord avec moi, là? C'est même dans n'importe quel monopole. C'est exactement ça. Mmh. Donc, à part de ça, il y a quoi comme sport? Donc, football, là, pour l'instant, les football universitaires, les droits appartiennent à SRC. Ça pourrait être intéressant. Par contre, à quel point ça va remplir ta case horaire, c'est une fois par semaine. Donc, je suis pas sûr pour ça. Le soccer. Pas juste l'Impact, mais aussi la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Puis... diffusé en studio. L'Impact, on n'entend pas beaucoup parler à RDS. Et ça, c'est quelque chose qui serait pas pire qu'on... RDS, ils n'ont pas les droits sur de quoi, ils n'en parlent pas. Ou presque pas. L'Impact, là, parce que l'Impact a signé avec SRC. Depuis ce temps-là, tu te souviens-tu à cet automne, quand l'Impact a diffusé leur match de finale, là, la finale là, de leur ligue, là, jusqu'à la mi-temps, là, la nouvelle sur RDS.ca, c'était... le match contre les Sénateurs d'Ottawa le soir. Le retour d'Alex Kovalev. Je suis désolé, mais c'était pas ça la nouvelle de la journée. Mais pas du tout. De toute façon, RDS, c'est un poste régional. C'est de Montréal. C'est pas comme TSN qui, eux... Ouais, mais ça reste l'Impact, là. Ben, je le sais. L'Impact de Montréal. Il joue à Montréal, là. Je le sais. C'est en tout cas... Désolé. C'est leur problème en tant que tel. Mais c'est sûr qu'ils l'auront pas facile. Après, à part ça, bon, quoi, comme sport. De la course. T'irais-tu chercher le NASCAR? T'irais-tu chercher l'IndyCar? Je trouve que de plus en plus, il y a une popularité de NASCAR au Québec. Oui, mais je me demande à quel point à TV. Ouais, c'est ça. Les RDS l'ont déjà. RDS doit avoir une entente d'exclusivité. Ah, une entente d'exclusivité sur la Formule 1. Parce qu'on se rappelle, dans le temps, SRC diffusait ça aussi. Pour le NASCAR, je le sais pas, mais c'est parce qu'il faut jamais que tu oublies en termes de code d'écoute aussi. Est-ce que le NASCAR va pouvoir t'amener un 100 000 de code d'écoute? J'en doute. J'en doute fortement. La boxe, est-ce que ça peut t'amener des codes d'écoute de ce type-là? J'en doute. Sauf qu'en même temps, ça va peut-être être plus payant pour eux de présenter du NASCAR que de présenter l'Autodrome Saint-Eustache. À chaque... Hey, j'aime ça, l'Autodrome Saint-Eustache, moi. À chaque vendredi, ou bien les tirs de tracteurs, l'exposition agricole de Saint-Eustache. RDS motorisé? Ouais. Ben, moi, j'aime RDS motorisé parce que... Ça existe encore, ça? Je pense que oui. Ça va revenir cet été. Ils sont pas là l'hiver. Ah, des fois, ils étaient là l'hiver. Je sais plus. Peut-être que ça existe plus. Mais j'aimais ça, moi, parce que ça te présentait justement du local, tu sais, des choses plus locales. Mais moi, ce que je ferais avec eux autres, là, à chaque samedi soir, après le hockey, aussitôt que le hockey est fini, là, j'irais avec un gros programme de boxe. OK? Tu sais, comme qui commence vers 10h, là, 10h à minuit, puis tu présentes comme le combat de la semaine. Pas en rediffusion, là. Tu sais, vraiment, ça peut venir des États-Unis, comme ça peut être du local en tant que tel. Ou de l'Europe. Ou de l'Europe, ouais. Mais que ça devienne de quoi de permanent. Et si jamais, parce qu'il y a des rumeurs, les Bulldogs déménageaient à Laval, moi, j'irais pour présenter les matchs des Bulldogs. Ou appelle-les comme tu veux, là, les Bulldogs. C'est en français, là. Mais j'irai avec ça parce qu'au moins, t'aurais les bébés canadiens. Fait qu'en ayant les bébés canadiens, ah, oh, mais encore, ça va-tu être faisable avec CTV, Globe Media? Gars, ils l'auront pas facile, mais vraiment pas. Mais au moins, tu sais, je suis content de voir qu'il y a ils se donnent là-dedans puis qu'il y a un vouloir de présenter de quoi de bon, là. Je veux dire, c'est une super bonne nouvelle pour le sport au Québec, là. Oui, puis exactement parce que ça va mettre de l'avant des sports qui ont pas d'exposure présentement, mais vraiment pas. Donc, ça va être intéressant à suivre. Là. Moi, je dis qu'il y en a encore pour 2 ans, à peu près, en tant que tel. Donc, je me demande ce que ça va, à combien de temps ça va prendre, mais ça devrait se faire. Ça devrait bien se faire. Ce qui, comme tu dis, par contre, c'est le fait qu'ils ont les capitaux, que ça va, pas les capitales de Québec, là, mais les capitaux en tant que tel pour investir, qui va leur permettre de faire peut-être des choses plus intéressantes et leur permettre de prendre un peu plus de... Mais tu parles des capitales, justement. Moi, je pense que les capitales de Québec aussi, ça pourrait être un produit qu'on pourrait présenter à TVA. Ah oui, mais avec combien de codes d'écoute ça va apparaître? Ça va aller chercher... C'est tout à ça, la question. C'est le nerf de la guerre. Mais hey. C'est pas dur, tu mets Charles de la Fortune entre les manches. Les Dion, whatever, je sais pas trop qui. Éric Salvaire. C'est pas fou. Hey, on termine le show comme ça. Donc, je te remercie beaucoup, JP. All right, les boys. All right, bonne semaine. Salut, JP. Merci. Donc, c'est ce qui conclut les conduites de partie pour cette semaine. On vous remercie beaucoup d'avoir été là. On se laisse, on se revoit la semaine prochaine. Tous les mardis, 10h. On se laisse en musique avec Eric Panic, les majeurs fans de l'heure. C'était nous, pour les conduites de partie. Bonne semaine, tout le monde. Salut, bonne semaine.